remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui à nouveau nous a facilité cette assise afin qu'on puisse se rappeler les bienfaits par lesquels il nous a comblés, en espérant que cette assise nous sera à tous profitable. أما الموضوع كما علمتم هو فضل البكاء من خشية الله. فضل البكاء من خشية الله. Quant au sujet, il s'intitule les mérites de pleurer par crainte d'Allah. Les mérites de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الموضوع مهم جدا والناس جميعا بحاجة إليه لا سيما في هذا الزمن لأنه زمن غفلة زمن فتن ولا ينجو إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى منها. Et ce sujet, tout particulièrement à notre époque, est un sujet duquel nous avons énormément besoin. Ceci car nous sommes dans une époque où l'insouciance s'est grandement répandue, où la dunya a pris le dessus chez beaucoup devant la religion. فقست القلوب وانتشرت المعاصي والذنوب والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله. Cette insouciance a fait que les gens tombent dans les péchés et ne pensent pas au retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette insouciance a eu un effet direct sur les cœurs des serviteurs. Et parmi les plus grands châtiments, le plus grand des châtiments fi dunya, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala châtie son serviteur, qaswatul qalb, la dureté du cœur. Na'am. La dureté du cœur, c'est une maladie. Aussi, les savants ont beaucoup écrit sur ce sujet. À l'image d'Ibn Rajab Al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, fi kitabihi dham, qaswatil qulub. Ibn Rajab, devant la gravité de cette maladie, a écrit un livre qui se nomme Dhammu qaswatil qulub. Il réprimande dans ce livre, ou bien il blâme la dureté du cœur. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui avaient un cœur dur. Et il nous enseigne que c'est la description qui a été faite des cœurs des gens qui nous ont précédés, des gens du livre, lorsqu'ils se sont éloignés de ces préceptes, lorsqu'ils se sont éloignés des livres révélés, du suivi de leur messager. فَالذُّنُوبُ تَحُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَلَامَةِ الْقَلْبِ. Les péchés sont un obstacle entre eux, le serviteur et sa relation avec son Seigneur. Les péchés noircissent le cœur et l'endurcissent. Et pour soigner ce cœur, car si la personne soigne son cœur, elle pourra soigner son corps et réformer sa vie, il lui faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, faire ses comptes, et cela aura un effet direct sur sa personne. Et parmi ces effets, al-buka min khashyatillahi subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces effets, il y aura les larmes et les pleurs par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allamana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi anna asla al-khayr salamatul qalb. Qala alayhi salatu wa salam, ala inna fil jasadi mudghah. Idha salahat salaha al-jasadu kullu, wa idha fasadat fasaja al-jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a certes dans le corps un morceau de chair. S'il est saint, tout le reste du corps le sera. Et s'il est corrompu, tout le reste du corps le sera. C'est le cœur. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam yurshiduna ila hadha al-amal alladhi yurdi Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, nous a orienté, nous a commandé de pleurer pour nos péchés, de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. فعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن ملك نفسه. Dans un hadith, ثوبان رضي الله عنه nous dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: bonne nouvelle faite à celui qui contient sa personne. ووسعه بيته, et dont la maison sera suffisante. وبكى على خطيئته, et qui pleure pour ses fautes, qui pleure pour ses péchés. Bonne nouvelle à celui qui se contient. Celui dont l'espace de son foyer, de sa maison, lui est suffisant. Et celui qui pleure pour ses péchés. Rawahu al-Tabarani, wa huwa hadithun hasan. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينصحنا بلزوم البيوت بعدا عن أماكن الريب والفتن والمعاصي. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith nous recommande de rester chez soi, de rester chez nous, car lorsque la personne est chez elle est loin des endroits où il y a le haram. Elle est loin des endroits où il y a la turpitude. Elle est loin des endroits où il y a les troubles, des mauvais. Elle est éloignée. Elle est également éloignée de Julasa Sou, des mauvaises assises, des mauvaises fréquentations. Donc, des causes du péché, des causes du regret. Il nous recommande également de retenir nos langues. Il nous recommande également de retenir nos langues. Puis il nous dit: wa baka ala khati'ati. Bonne nouvelle faite à qui? À celui qui pleure pour ses fautes. Al khata'u la budda min wa adh-dhanbu la budda min kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kullu bani adam khata' wa khayru al-khata'in at-tawwabun. Et le péché, personne n'en est exempté, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tout fils d'Adam est sujet à l'erreur. Et le meilleur de celui qui tombe dans la faute, de celui qui commet le péché, est celui qui se repent. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comment nous comporter. Comment nous comporter après avoir commis une faute. Il nous encourage, il nous oriente, il nous conseille, il nous recommande de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nos fautes. Et celui qui sent la douleur du péché, sa chaleur dans sa poitrine, na'am, ceci est le début du repentir. An-nadamu tauba wa man taba kaman la dhanba lahu, car le regret c'est un repentir, et celui qui se repent est semblable à celui qui n'a jamais péché. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhu qala radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul aynani la tamassuhuma an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y a deux yeux qui ne seront jamais touchés par le feu de l'enfer. Naam. Il y a deux types de personnes dont les yeux ne seront jamais touchés par le feu de l'enfer. Qui sont-ils? Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: aynun bakat min khashyatillah. Aynun bakat min khashyatillah. Un œil qui a pleuré par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khashiyah akhassu min al khawf li'annahu khawfun mabniyun ala ilm wa ta'zim mimman takhaf. Al khashiyah, c'est plus spécifique que la crainte. Na'am, il traduit cela en disant la crainte révérentielle. C'est le fait de craindre une chose, mais cette crainte est en réalité le fruit de la connaissance. et de du respect, de la considération et de l'immensification que tu as de cet autre. Si tu crains quelqu'un sans le connaître, on appelle cela khawf. Mais si tu crains cet autre, car tu connais sa capacité, car tu connais sa force, car tu le redoutes, alors là, on appelle cela khashiya. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les savants par cette qualité, à travers cette adoration. Il nous dit par exemple, subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Na'am, al-khashiya a été utilisé pour qui? Pour les ulama, car ce sont ceux qui connaissent le mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une des causes pour pleurer par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la connaissance. C'est ta'zim. D'où l'importance d'étudier al-tawhid. D'où l'importance d'étudier tawhidullah fi asma'ihi wa sifatihi. D'où l'importance de connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu connais Allah subhanahu wa ta'ala à travers deux choses. Na'am. Tu connais Allah subhanahu wa ta'ala à travers deux choses. La première chose, bil ayati, na'am, al-shar'iyya, a'ni al-Qur'an wa sunnah. La première, le premier moyen de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la révélation. C'est le Qur'an, c'est la sunnah. Tu liras la description d'Allah à travers ses noms, ses attributs, ses actions. Et le deuxième moyen, c'est ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala bi ayatil al-kawniyya. C'est la connaissance d'Allah azza wa jal à travers ses signes universels, ses créatures. Na'am. Le fait de méditer le ciel, le fait de méditer les montagnes. Lorsque tu regardes le ciel et tu vois son étendue, la terre sur laquelle tu marches, tu vois sa dureté, sa largeur, sa longueur. Tout ça t'amène à quel résultat? Au résultat qu'il y a un créateur, au résultat que ce créateur est très savant, que ce créateur est capable, est fort, est sage, et ainsi de suite. Donc ces créatures immenses ne sont que les signes de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Donc à travers cela, tu vas connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, le redoutera, aura peur de lui. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit « قال بعض السلف من كان بالله أعلم كان منه أخوف ولما عنده أطلب وعن معصيته أبعد » C'est pour cela qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit « Certains parmi les pieux prédécesseurs disaient « Plus la personne connaît Allah, plus elle aura peur de lui et plus elle s'éloignera des péchés. » Et plus elle espérera ce qui se trouve auprès de lui. Donc la clé de notre mas'ala, na'am, la clé de notre question ici, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, aynan la tamassuhuma an-nar. Aynun bakat min khashyatillah. Wa aynun batat tahrusu fi sabilillah. Rawahu at-Tirmidhi wa sahahahu al-Albani rahimahullah. Deux personnes dont les larmes ont coulé ne seront pas touchées par le feu de l'enfer. Leurs yeux ne seront pas touchés par le feu de l'enfer. Qui sont-ils? La première est la personne qui a pleuré par crainte d'Allah. La deuxième est la personne qui a monté la garde, qui a monté la garde lors de la guerre. Wa an Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam La yalidu an-nar rajulun baka min khashyatillah hatta ya'ud al-laban fi ad-dar'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith qui encore nous encourage à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et à pleurer pour nos fautes et par crainte de lui. N'entrera pas en enfer quiconque a pleuré par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque a pleuré par crainte d'Allah. Jusqu'à ce que le lait puisse retourner dans les mamelles de la bête. Na'am. Jusqu'à ce que le lait puisse retourner dans les mamelles de la bête. C'est-à-dire, la personne n'entrera pas en enfer. رواه الترمذي وابن ماجه. توسع حديث هذه الأحاديث إخواني الكرام تدلنا وتحثنا على البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. Tous ces hadiths ont pour point commun qu'ils nous encouragent à pleurer pour, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez après cela, وَعْلَمُوا بَعْدَ هَذَا أَنَّ الْبُكَاءَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَبَبٌ عَظِيمٌ لِنَيْلِ رِضَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالْفَوْزِ بِجَنَّتِهِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ. Parmi les plus grands mérites de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait que ce soit une cause pour être préservé du feu de l'enfer, une cause pour obtenir l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, et une cause pour entrer au paradis. Et celui sur qui ces choses se réunissent, c'est celui qui aura obtenu l'énorme succès. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Allah nous dit dans le Coran, un verset dont la traduction est: et celui qui évite l'enfer et entre au paradis, voici celui qui aura obtenu la réussite. Donc, une des causes d'obtention de cette réussite est le fait de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi est-ce que ceux qui prient ont prié? Pourquoi est-ce que ceux qui jeûnent ont jeûné? Pourquoi ceux qui se lèvent la nuit se lèvent la nuit? Pourquoi ceux qui craignent Allah le craignent? Tout cela à la recherche du paradis. Ils convoitent tous quelque chose, le paradis. Ils craignent tous telle chose, l'enfer. Ils espèrent tous quelque chose, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et madha, être honoré par le fait de pouvoir contempler son visage. Tout cela se concrétise avec quoi, chers frères? Al-khashya wal-buka min khashyatillahi subhanahu wa ta'ala. Tout cela se concrétise avec la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, et parmi ses effets, le fait de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu khashyatillah يوم القيامة مميزون أهل البكاء من خشية الله عز وجل يوم القيامة مميزون. Les gens qui auront pleuré fi dunya par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala seront dans des situations toutes particulières le jour dernier. Ils auront des places toutes particulières et méritoires. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah. C'est-à-dire, comme c'est venu dans d'autres riwayats, sous l'ombre du trône d'Allah. Sept catégories de personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah. Le jour, il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle-ci. Et avant de continuer le hadith, il nous faut savoir quelle sera la situation des créatures, quelle sera la situation des serviteurs le jour de la résurrection. Et ils sont restés un long moment dans leur tombe. Puis, lorsqu'on leur soufflera une dernière fois dans la trompe, ils seront amenés à comparaître devant le Seigneur des mondes. Ils seront nus, pieds nus, non circoncis, et ils ne posséderont rien. Naam, ils regarderont à leur droite et ils ne verront rien si ce n'est ce qu'ils ont avancé comme action. Ils regarderont à leur gauche et ils ne verront rien, si ce n'est ce qu'ils ont avancé comme action. Puis, ensuite, les anges apporteront le feu de l'enfer. Les anges tireront le feu de l'enfer. L'enfer aura 70 000 chaînes. Et pour chacune des chaînes, il y aura 70 000 anges qui vont apporter le feu de l'enfer. Et nous allons témoigner de cela. Nous allons voir cela, et on entendra du bruit de l'enfer. Aussi, parmi les choses qui arrivera yom al-qiyam, c'est que le soleil sera rabaissé juste au-dessus des têtes. À 1000, il sera rabaissé au-dessus des têtes. Alors les gens vont se mettre à suer. Le soleil est très éloigné de nous. Malgré ça, lorsqu'il y a la canicule, les gens décèdent. Naam, et les gens suent. Alors que c'est une chaleur tout à fait supportable. Que dire de ce jour-là? Que dire de ce jour, Yom al-Qiyam? Les gens seront effrayés, apeurés. Et en plus de cela, on va abaisser le soleil juste au-dessus de leur tête. C'est alors qu'ils vont se mettre à suer. Chacun suera proportionnellement aux fautes qu'il avait dans ce bas monde. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certains vont suer et leur sueur va atteindre leurs chevilles. D'autres vont suer et la sueur va atteindre leurs genoux. D'autres vont suer et la sueur va atteindre leurs hanches. D'autres vont suer et la sueur va atteindre leurs épaules. D'autres vont se noyer dans leur sueur. D'autres vont se noyer dans leur sueur. Afala adullukum ala makhrajin min hadha. Afala adullukum ala makhrajin min hadha. Ne vais-je donc pas vous enseigner? Ne vais-je donc pas vous rappeler? Ne vais-je donc pas vous encourager à une issue de sortie? Ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a 7 catégories de personnes qui vont éviter ça, qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Le jour, il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle-ci. Qui est la 7e personne? Na'am. Wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat 'aynahu. Fafadat 'aynahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite que la 7e personne est un homme. Wa hadha kharaja makhraj al-ghalib fa illa yashmal an-nisa kadhalik. Donc un homme, et ça c'est en général, mais ça englobe également les femmes. Un homme qui était en aparté, il a évoqué Allah au point de fondre en larmes. Donc c'est une personne qui n'est vue de personne. C'est une personne qui est à part. Elle est chez elle ou dans un endroit. Na'am, elle est à part. Elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala au point de pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette personne sera préservée yawm al-qiyam. Na'am. Elle n'a pas pleuré pour le regard des gens. Elle n'a pas pleuré par ostentation. Elle a pleuré qu'en se rappelant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a évoqué Allah, alors ses larmes ont coulé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette personne sera sous l'ombre du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Idhan, min fada'il البكاء من خشية الله السلامة يوم القيامة. Nous comptons donc parmi les mérites de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait d'être préservé le jour de la résurrection. La personne qui pleure par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela l'aidera à délaisser les péchés. Cela l'aidera à adoucir son cœur. Un homme est venu se plaindre à Al-Hassan al-Basri. وَشَكَى إِلَيْهِ قَسْوَةَ قَلْبِهِ. Un homme s'est plaint à Al-Hassan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, et s'est plaint à lui de la dureté de son cœur. Il lui a dit, أَذِبْهُ بِذِكْرِ اللَّهِ. Il lui a dit, fais fondre ton cœur en évoquant Allah. Donc le fait de faire beaucoup de dhikr, ça va alléger la lourdeur de ton cœur. Ça va adoucir sa dureté. Et ainsi, tu pourras espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala te joigne à ces gens. Min a'zamil asbab, tadabburul Qur'an. Parmi les plus grandes causes pour adoucir le cœur et pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tilawatul Qur'an, bitadabbur. Le fait de lire le Qur'an, mais en le méditant. Pas la simple lecture dont le seul but est de le finir. Non, le fait de lire le Qur'an, bitadabbur. Avec méditation. Parmi les causes, at-tafaqquh fi d-din, le fait d'étudier, d'apprendre la science. Na'am, le fait d'apprendre sa religion. Et tout particulièrement le domaine du tawhid dans l'asma wa sifat. Le domaine du tawhid dans l'asma wa sifat. Car c'est la science la plus noble. La noblesse de la science est en fonction de ce qui est étudié. Et lorsque tu étudies ce chapitre, tu ne parles que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu parles d'autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'est que pour montrer encore plus la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala devant ses créatures. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala balagha Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an ashabihi shay. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit que des paroles provenant des compagnons sont parvenues au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu connaissance de certaines paroles des compagnons. Alors il les a réunies. Fakhataba, et il les a exhortés. Il a prononcé un discours. Faqal, uridat alayya al-jannatu wal-nar. Falam ara kal-yawmi fil-khayri wa shar, walau ta'lamuna ma a'lam. La dhahiktum qalilan, wala bakaytum kathira. قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد من فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد من قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين أي بكاء يخرج من الخيشوم نعم بصوت. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté ses compagnons. Naam, il a prononcé un discours. Et il leur a dit, il m'a été montré le paradis et l'enfer. Et je n'ai jamais vu de choses aussi bonnes et aussi graves que ce que j'ai vu aujourd'hui. Et si vous saviez ce que je sais, vous ririez bien moins et vous pleuriez bien plus. Vous pleurez bien plus. Qal Anas ibn Malik, celui qui nous relate ce hadith, nous dit, il n'y a pas eu un jour plus difficile pour les compagnons que ce jour-ci. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si vous saviez ce que je sais, na'am, Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, en expliquant ce hadith, a dit, c'est-à-dire ce qu'il y aura yom al-qiyama, le paradis, l'enfer, et ainsi de suite. Donc les compagnons, lorsqu'ils ont entendu ça, et que leur bien-aimé leur dit, vous ririez bien moins, na'am, et vous seriez en train de pleurer, lorsqu'ils ont entendu ça, ça a été très lourd sur leur cœur. Au point qu'Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit qu'ils n'ont pas vécu un jour plus difficile que cela. Mais est-ce que l'histoire s'arrête là? Est-ce que leur affaire s'est arrêtée là? Non. Il y a une grande différence entre eux et entre nous. Entre eux et nous. C'est que entendez les hadiths, et cette écoute se répercutait directement sur leurs larmes, sur leur cœur, sur leurs membres. Comme nous le dit ici Anas ibn Malik, Rattaou, Ru'usahum, ils se sont baissés comme ça et ont couvert leur visage, leur tête. Na'am. Comme pour se cacher. Comme l'un d'entre nous mettrait sa main devant son visage pour se cacher. Walahum khanin. Que veut dire al-khanin? Al-khanin, c'est sautul buka. C'est le son qui sort du nez lorsque la personne pleure, car elle pleure à chaudes larmes. Ils ont tellement pleuré qu'on entendait des sons, on entendait du bruit. Rawahul Bukhari wa Muslim. Voici l'état des compagnons. Na'am, voici l'état des compagnons et voici le nôtre. Voici l'état des compagnons et voici le nôtre. De voir notre état est une cause suffisante en réalité pour pleurer. De voir un état que nous avons atteint est une cause suffisante pour pleurer. Na'am, lorsqu'on voit comment Allah Azza wa Jalla a levé les sahaba, de par leur piété, de par leur ikhlas, de par leur secours de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'on voit notre état, notre éloignement de l'étude de la science, notre éloignement de la mémorisation de la science, puis notre éloignement de la mise en pratique de la science, puis notre éloignement de la propagation de la science, puis notre éloignement devant l'endurance lors des nuisances, mada lors de la propagation de la science. Et une des grandes causes de cette différence, c'est sidqu ma'allah wal ikhlas, c'est la véracité qu'habite les cœurs. Et c'est la sincérité qui habite les cœurs. Plus la personne est sincère et véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle est touchée à l'écoute du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, parmi les causes pour avoir un cœur doux et pleurer facilement par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'éloigner des péchés. Car le fait de pleurer par crainte d'Allah, c'est un honneur. Et Allah ne donne pas cet honneur à celui qui s'éloigne de lui. Allah ne comble pas le serviteur lorsqu'il s'éloigne de lui. Mais il se peut qu'Allah te guide dans un moment précis pour que tu reviennes à lui. Et ces larmes qui couleront, pour celles-ci tu seras récompensé et peut-être même préservé du feu de l'enfer. Parmi les plus grandes causes que citent les ulama, c'est Mujalasati, Mujalasatu Salihin. Na'am, wa ahli al-khashya. Le fait de fréquenter des gens qui pleurent par crainte d'Allah. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup cherchent les assises qui font rire. Na'am. Qui est-ce qui est marrant? Inviter un tel, il est marrant. Wahakada. Mais qui sont ceux qui cherchent des gens qui vont leur faire pleurer? Un homme s'est plaint à Al-Hassan al-Basri. Ou à un autre, Sofiane al-Thawri. Et lui a dit, un tel, parmi les salafs, lorsqu'on reste avec lui, on n'arrive plus à profiter de la dunya. On n'arrive plus à être bien avec nos épouses. On n'arrive plus à manger et boire. On n'arrive plus à vivre. Pourquoi? Tellement il nous parle de l'enfer, tellement il nous parle de la mort, tellement il nous rappelle le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Savez-vous ce qu'a répondu la personne parmi les pieux prédécesseurs? Il a dit à cette personne-là, le fait de rester avec des gens fit dunya comme ça, et pleurer par crainte d'Allah, et perdre la sécurité, le fait de ne pas te sentir en sécurité fit dunya, pour atteindre yom al-qiyama, la sécurité totale, c'est mieux que de rester avec des gens fit dunya, qui vont t'apporter la sécurité, c'est-à-dire l'insouciance, mais yom al-qiyama, tu seras effrayé et terrorisé. Donc les assises, le fait de fréquenter ceux qui ont peur d'Allah, ceux qui te rappellent Allah, ceux qui vont te parler des péchés, du retour vers Allah, de la tombe, de yom al-qiyama, du paradis et de l'enfer, voici une des plus grandes causes pour que la personne, yani, goûte à cette crainte, goûte à cette action qui était l'habitude de nos pieux prédécesseurs. وأكمل الناس خشية لله سبحانه وتعالى كان نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. Et le serviteur qui craignait le plus Allah et qui pleurait le plus véridiquement par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala n'était autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En sachant qu'Allah azza wa jal l'a préservé des péchés. L'a préservé des péchés. En sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ce qu'il aurait pu faire dans le passé et ce qu'il aurait pu faire dans le futur. En sachant que c'est Khalilur Rahman. Na'am, al-khullah a'la darajatil hub. Al-khullah, le fait de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim alayhi salam sont Khalila al-Rahman, na'am, veut dire que Allah azza wa jal les a aimés. Na'am, les a préférés. Mais pas de n'importe quel amour. Na'am, l'amour qui est le plus haut degré de l'amour. Malgré ça, il pleurait par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ça c'est l'état de celui qui est le plus pieux, que devrait être l'état de celui qui l'est moins? Même s'il est pieux, que devrait être son état? Na'am, ça c'est un cas. Le deuxième cas, c'est le cas de l'malaïka, le cas des anges. Na'am. Le deuxième cas, c'est le cas des anges. وَهَذَا قِيَاسٌ أَوْلَاوِي الْمَلَائِكَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Allah les a décrits dans le Coran en disant, ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur commande, et ils font ce qu'il leur ordonne. Malgré ça, ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, et ils avaient peur de lui. Ils avaient peur de lui à un point tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ فِي السَّمَا نَعَمْ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsqu'Allah parle aux gens des cieux, c'est comme le bruit que fait une chaîne qui retentit sur un rocher. Alors les anges tombent, ils s'évanouissent. Lorsqu'Allah parle, les anges s'évanouissent. Puis lorsqu'ils se relèvent, comme Allah nous le dit dans le Coran, « قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقْ قَالَ الْحَقْ. Puis, le premier à se lever, c'est Jibril. Et les anges lui disent, « Qu'a donc dit notre Seigneur ?» Il répond, « Il a dit la vérité. » Ça, c'est l'effet de la parole d'Allah sur les anges lorsqu'il parle. Lorsqu'il parle, lorsqu'il donne un ordre, les anges tombent ainsi. Les anges ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment s'explique cela? C'est la connaissance d'Allah azza wa jalla. Car les prophètes sont ceux qui connaissent le mieux Allah. Et les anges sont ceux qui connaissent le mieux Allah. Et comme cela a été cité dans le hadith, يا جبريل ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضاحك منذ خلقت النار Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jibril, comment se fait-il que je n'ai jamais vu rire Mikaïl, l'ange Mikaïl? Jibril lui a répondu, il n'a jamais plus ri depuis que le feu de l'enfer a été créé. Depuis que le feu de l'enfer a été créé. Pourtant, ils ne vont pas être châtiés. Pourtant, ils ne sont pas dans notre épreuve. Malgré ça, c'est ainsi que les anges se comportent. Ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc revenons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. يوما تلا قول الله تبارك وتعالى في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقوله في عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité du Coran, le passage de Sourate Ibrahim, lorsqu'il dit « Ô mon Seigneur, elles ont égaré bon nombre de tes serviteurs. Celui donc qui me suit fait partie des miens. Et celui qui me désobéit, c'est toi certes, le pardonneur et le miséricordieux. » Et la parole de Isa, si tu les châties, ce sont certes tes esclaves. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant et le sage. Et une des sagesses d'avoir fini par ces deux noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Aziz et Al-Hakim, c'est que celui qui pardonne, il peut pardonner par faiblesse. Il peut pardonner par incapacité de se venger. Mais on dit qu'Allah Azza wa Jal pardonne malgré sa parfaite capacité à châtier le pécheur. Donc, il ne le châtie pas, car il veut lui pardonner, pas parce qu'il est incapable et sujet à l'incapacité. Allah subhanahu wa ta'ala est puissant, et son pardon est d'autant plus grand qu'il l'accorde malgré sa puissance et sa parfaite capacité à se saisir du pécheur et se venger de lui. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ces deux versets, il s'est mis à pleurer. Il a levé ses mains vers Allah azza wa jalla et a dit Allahumma ummati ummati, oh Allah ma communauté, sauve ma communauté. Alors Allah azza wa jalla a envoyé Jibril. Ya Jibril, idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam wa salhu ma yubki. Wa salhu ma yubkik. Famtathala Jibril amr Allah subhanahu wa ta'ala faraja'a ilayhi faqala lahu Allah سبحانه وتعالى إذا ارجع إليه وقل له إن ربك سيرديك في أمتك ولا يأسوك إن سنرديك في أمتك ولا نسوك. الله envoie Jibril عليه السلام voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander ce qu'il avait bien qu'Allah était plus savant. Jibril lui a dit que se passe-t-il? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu ma communauté il a eu peur pour nous. Il a eu peur pour nous, il a eu peur devant nos péchés, il a eu peur du feu de l'enfer pour sa communauté. لَنَّهُ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفُ الرَّحِيمِ Car il était envers les croyants, comme Allah l'a décrit dans le Coran, رَأُوفٌ رَحِيمٌ Il était compatissant, il était miséricordieux. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفُ الرَّحِيمِ Les difficultés que vous subissez lui pèsent lourd. Le prophète sallam n'aime pas que le mal nous touche. Na'am. Et il est envers les croyants, miséricordieux et rempli de compassion. Donc il a pleuré pour nous. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait pour nous, qu'avons-nous, nous, à ne pas pleurer pour nos pauvres âmes? Comment se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure pour nous, et que nous, on ne pleure pas pour nous-mêmes? Comment se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a peur pour nous du feu de l'enfer, a peur pour nous car il connaît l'effet des péchés, et il connaît de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la description de son feu. Tout cela doit être des causes qui font couler nos larmes. Wa ila Allah al-mushtaka min qaswati al-qulub. Mais c'est qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on se plaint de la dureté qui habite nos cœurs. Il y a d'autres hadiths qui décrivent l'état de Jibril et des anges. Na'am. Wallabibu bil isharati yafhamu. Ça, c'est l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs hadiths qui illustrent cela, mais voyant plusieurs nobles visages, inshallah ta'ala, que j'ai vu Mada au Dhahr, que j'ai vu hier au Isha, que j'ai vu hier au Asr, que j'ai vu hier au Dhahr, et que j'ai vu il y a de cela un an, puis il y a de cela deux ans, jazakumullahu khayran, Mada, je vais passer à d'autres textes. Na'am, je vais passer à d'autres textes, non pas que ces textes je m'en lasse, walillahilhamd, mais afin que la faïda soit plus profitable et plus riche, inshallah ta'ala. An Ubayd ibn ou ibn Umayr, annahu qala li Aisha. Un des salafs a questionné notre mère Aisha radiallahu anha en ces termes. أخبريني بأعجب شيء رأيتيه أو رأيتيه نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cet homme a questionné Aïcha et lui a dit: informe-nous de la chose la plus étonnante que tu as vue du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. فسكتت. Aïcha s'est tue un instant. Puis elle a dit, fi laylatin, alors que nous étions dans une nuit, qama fatatahhara, il s'est levé et a fait ses ablutions. Thumma qama yusalli, puis il s'est levé et a entamé une prière. Qalat, puis elle a dit, fama yazalu ou fama zala yabki hatta balla hijra. Une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Il a fait ses ablutions, puis est entré en prière. Et il n'a cessé de pleurer, à un point tel qu'il a trempé sa personne. Vous imaginez? Yani lorsque la personne pleure, est-ce qu'elle trempe son maillot? Est-ce qu'elle trempe son kamis? Elle nous dit, radiallahu anha, hatta balla hijra, jusqu'à ce qu'il a mouillé cet endroit-là de son corps. Wadah? وكان جالسا فلم يزل يبكي. Il était assis et il n'a cessé de pleurer. حتى بلل لحيته. Il n'a cessé de pleurer. Il était assis et n'a cessé de pleurer jusqu'à tremper sa barbe. Et la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam était fournie. Elle était ronde et elle était fournie. Il avait une grosse barbe sallallahu, une grosse et belle barbe sallallahu alayhi wa sallam. ثم بكى حتى بلل الأرض. Ensuite, il n'a cessé de pleurer jusqu'à mouiller le sol. Naam, le mot le plus adéquat c'est mouiller, pas tremper. Wallahu a'lam. حتى جاء بلال للأذان. Jusqu'à ce que Bilal vienne pour faire l'adhan. Donc dans la nuit jusqu'au fajr. Il a pleuré dans la nuit jusqu'à atteindre le fajr. Il a pleuré. Il a mouillé sa barbe, il a mouillé son vêtement, il a même mouillé le sol. Suite à ses nombreuses larmes qu'il a versées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par la suite, elle lui a dit: Awa tabki buka'aka hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Elle lui a dit: tu pleures ainsi au messager d'Allah alors qu'Allah t'a pardonné tout ce qui est passé et tout ce qu'il adviendra. Qala afala akun abdan shakuran. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant? Al hadith rawahu ibn Hibban wa sahahu al Albani rahimahumullah. On voit ici que fait partie de la reconnaissance al amal. Al amal. On voit dans ce hadith que l'amal c'est de la foi et que parmi les bonnes actions, le fait de prier et de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cela entre dans la connaissance, dans la reconnaissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré son rang auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, voici ses actions, voici ses larmes et voici sa crainte. Le hadith de Abdullah ibn Saoud, nous l'avons cité, nous nous le sommes rappelé lorsqu'il lui a dit Iqra alay, lis-moi le Coran. Naam. Et ça, c'est une bonne chose. Lorsqu'on sait qu'une personne lit convenablement le Coran, ou que l'un d'entre nous a une belle voix, que de lui demander de lire pour nous le Coran. Naam. Mais on ne lit pas en groupe. Ceci est une innovation. Une personne lit et les autres écoutent et méditent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lis pour moi le Coran. Il lui a dit, comment est-ce que je pourrais lire sur toi le Coran alors que c'est sur toi qu'il a été révélé? Il lui a dit, j'aime l'écouter des autres. Alors, Abdullah ibn Saoud lui a lu de Sourate An-Nisa. Il lui a lu de Sourate An-Nisa. Jusqu'à atteindre la parole d'Allah Azza wa Jal, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ أَوْ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فقال لي حسبك فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. Abdullah ibn Saoud nous dit qu'arrivé au verset où Allah nous dit, donc selon la traduction, et comment, dans quelle situation serez-vous lorsqu'on apportera de chaque communauté un témoin et que toi tu seras amené à comparaître pour être ce témoin. Alors il m'a dit, cela suffit. C'est-à-dire, arrête-toi là. Je me suis tourné vers lui et j'ai vu que ses larmes coulaient. J'ai vu que ses larmes coulaient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait ainsi par crainte d'Allah. Et ce hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Les exégètes, ou bien ceux qui ont expliqué ce hadith, ont dit qu'il a pleuré par crainte de la situation à venir le jour de la résurrection. Cet état, chers frères, l'ont atteint même des gens qui à la base n'étaient pas musulmans. C'est-à-dire que lorsqu'on entend ce rappel, il a une portée telle que ça peut affecter même des cœurs qui étaient morts. Ils sont morts à l'image de la terre qui est morte. Mais lorsque Allah fait tomber l'eau, elle revit. Bah de la même façon le cœur. C'est pour ça qu'on établit une corrélation dans le Coran, dans plusieurs versets, dans plusieurs endroits du Coran. Naam, entre quoi? Entre le cœur et entre la terre. Celui qui lit le Coran et qui médite le Coran verra que dans plusieurs endroits du Coran, on fait un lien entre quoi? On établit une ressemblance entre le cœur et la terre. Naam. Car ils ont des effets qui leur sont semblables. Et sachez que les pleurs viennent tout particulièrement à l'écoute du Coran. Naam, tout particulièrement à l'écoute du Coran. Et lors du rappel, de l'exhortation. Par exemple, Naam, qala ماذا العرباض بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوصي قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تمر عليكم عبد فإنه من يعيش فسيرى اختلافا كثيرا الحديث شاهدنا من الحديث وجلت منها القلوب وظرفت منها القلوب فكذلك كان رضي الله عنهم أجمعين. Les compagnons étaient ainsi, car ils ont été éduqués par qui? Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils nous disent qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit une exhortation. Il nous dit, Al-Irbad ibn Sariya, celui qui décrit cette scène, il nous dit, ça a fait bouger nos cœurs et couler les larmes. Nous avons dit, ô messager d'Allah, cela ressemble à un serment d'adieu, fais-nous donc des recommandations. Et il leur a fait des recommandations. Donc c'est le comportement qu'avait sahaba. C'est pas une chose. Ne te dis pas, oui, mais ça, c'est le messager d'Allah. Personne ne lui est égal dans la piété. Voici les compagnons. Naam, voici les compagnons. Et si on ne peut être comme eux, cherchons au moins à leur ressembler. Naam, cherchons au moins à leur ressembler. Car certes, le fait de ressembler aux nobles, c'est en soi une noblesse. Quant aux gens qui sont pieux, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَقُرْآنًا فَرَقُنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Dans sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit l'état qu'il convient d'avoir à l'écoute du rappel, à l'écoute du Coran. Un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Dis, croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux qui ont la connaissance, ou ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on leur récite, c'est-à-dire des versets, ils tombent prosternés. Voici l'effet du Coran. Subhanallah. Ils tombent prosternés. Ils entendent le Coran, ils tombent prosternés. Ils posent ce qu'ils ont de plus haut et de plus noble sur la terre. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils tombent prosternés, le menton contre terre, et disent, exempté soit notre maître. Exempté soit notre maître. La promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. Et ils tombent sur leur menton en pleurant. Et cela augmente leur humilité. Voici l'effet, na'am, des signes d'Allah azza wa jal de ces versets sur ces gens-là. Ils tombent prosternés. Ils pleurent. Ça augmente leur iman. Ça augmente leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, dans sourate Al-Ma'idah, on parle des gens qui ne sont pas nés dans l'islam. On parle des gens qui suivaient la religion de ceux qui sont passés avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on nous décrit leur état lorsqu'ils ont reconnu la vérité à travers le Coran. Comme dans l'histoire que vous connaissez tous, de Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu, lorsqu'il s'est retrouvé à Al-Habasha avec les sahaba, et que Kuffar Quraysh ont envoyé leur émissaire à l'époque, Abu Sufyan radiallahu anhu, ou bien Amr ibn al-As, na'am, radiallahu anhu, pour récupérer cette partie de sahaba. Na'am. Mais An-Najashi, tayyib, a voulu d'abord écouter des sahaba. Et la même chose avec Hirakl, tayyib. Plusieurs rois, lorsque le Coran leur est parvenu et l'appel à l'islam leur est parvenu, ont été affectés, ont été touchés. Certains ont embrassé l'islam ensuite, et certains, malgré cela, par orgueil, ne sont pas entrés dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois leurs yeux débordés de larmes. On leur récitait le Coran, ils n'arrivaient pas à se retenir. Subhanallah, des chrétiens, des gens du livre, ils n'arrivaient pas à se contenir, ils n'arrivaient pas à retenir leurs larmes. Ici, on nous décrit cette situation en nous disant « Tafiru minad dam'a ». Tafidhu minad dam', ça veut dire que leurs yeux débordaient de larmes. Parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ô notre Seigneur, nous sommes croyants. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Ils rentraient dans l'islam. Et parmi les effets, le fait de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces versets ont été révélés en nous parlant, yani pour nous parler des gens du livre, lorsque la vérité leur est parvenue, et qu'ils l'ont suivi. Et ont parmi les éloges qui ont été faites et les caractéristiques qui ont été décrites ici, le fait de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'écoute du Coran. Et c'est à cela que nous a encouragé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, avant cela, Allah azza wa jalla nous encourage et blâme ceux qui ne pleurent pas. Il blâme ceux qui ne pleurent pas à l'écoute du Coran. Donc où es-tu toi de l'écoute du Coran? Est-ce que tu fais partie de ceux qui pleurent lors de l'exhortation ou pas? Tu peux même trouver, A'adhanallahu ayyakum min dhalik, dans une assise, dans un masjid, Alors que le sujet est l'enfer ou la mort ou quelque chose de semblable, tu peux trouver des gens rire et discuter. Wallahi, sahaba n'était pas ainsi. Wallahi, sahaba n'était pas ainsi. Ils étaient plutôt décrits. Comment? Ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Lorsqu'on les décrit lors du dars, ils disent, les sahaba ou les tabi'un, c'est comme s'il y avait sur leur tête des oiseaux. Que veut dire cela? Hein? Ils ne bougeaient pas. L'oiseau, si tu fais un geste, il s'envole. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Pour dire qu'ils étaient immobiles, ils étaient concentrés et ne bougeaient pas. Ils ne bougeaient pas. Allah nous dit dans le Coran, afa min hadha al-hadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Allah nous dit dans sourate An-Najm à la fin une parole dont la traduction est: est-ce de ce discours que vous vous étonnez, c'est-à-dire du Coran, et vous en riez et ne pleurez point? Absorbé que vous êtes par votre distraction, prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Allah Azza wa Jal ici les blâme. Allah Azza wa Jal ici les blâme. Donc prends garde toi à cela afin de ne pas faire partie de ces gens, de ceux qui à l'écoute du Coran ne sont pas touchés, de ceux qui à l'écoute du Coran sont semblables à la personne qui a écouté autre chose. Parmi les mérites de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait que tu entres dans les choses qu'Allah azza wa jal aime. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le superlatif. Il nous dit alayhi salatu wa salam, Laysa shay'un ahabba ila Allah min qatratayn wa atharayn. Écoute ce hadith étonnant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas plus aimé chez Allah que deux gouttes et que deux traces. Que deux gouttes et que deux traces. Quant aux gouttes, na'am, qatratin min dumu' min khashyatillah. Quant aux gouttes qui sont le plus aimées chez Allah, ce sont les larmes qui ont coulé par crainte d'Allah. Ce sont les larmes qui ont coulé par crainte d'Allah. Il n'y a pas de goutte plus aimée chez Allah que cela. Subhanallah. Ce qu'Allah aime le plus en matière de goutte, ce sont les larmes qui coulent du serviteur, car il a peur d'Allah et le redoute. Tout comme cela était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était également le comportement des compagnons et des pieux prédécesseurs. Na'am, Anas ibn Malik, na'am, nous a dit, comme on se l'est rappelé, il y a de cela une demi-heure, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si vous saviez ce que je sais, na'am, vous délaisserez les rires et vous pleuriez bien plus. Na'am, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pleuré, au point d'entendre des sons émanant de leur nez. Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, nous dit, أي ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه من من يعصي والأهوال التي تقع عند النزع والموت في القبر والقيامة. Ibn Hajar nous dit, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec l'immensité d'Allah, sa vengeance concernant ceux qui lui ont désobéi, l'état de celui à qui la mort se présente, la mort, la tombe et tout ce qui se passera le jour de la résurrection. Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu un jour a entendu, ou bien lorsqu'Allah azza wa jal a révélé Bismillahirrahmanirrahim Iza zulzilatil ardu zilzalaha, Abu Bakr radiallahu anhu, donc az-zalzala c'est le tremblement, yani comme un tremblement de terre, on appelle cela az-zalzala. Baka Abu Bakrin buka'an shadidan. Lorsque cette sourate a été révélée, Abu Bakr radiallahu anhu a grandement pleuré. Na'am. Faqala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, limadha tabki ya Abu Bakr? Faqala lahu li nuzuli hadhihi al-aya. Abu Bakr a répondu, car Allah a révélé, idha zulzilatil ardu zilzalaha. On nous décrit madha ahwal, na'am, akhiri ad-dunya. Wa Omar Ibn al-Khattab radiallahu anhu pleurait tellement que les historiens disent qu'il avait deux traces sur le visage. Tellement il pleurait que cela avait affecté sa peau et la couleur de sa peau à Yahani sur ses joues. Mafhoum? Tellement qu'il pleurait, il y avait des traces sur ses joues. C'est-à-dire le chemin de ses larmes. Et Uwais al-Qarani radiallahu anhu a également été décrit ainsi. Ils disent que tellement il pleurait qu'il avait des traces qui restaient, na'am, qui faisaient partie intégrante de son visage, na'am, sous ses yeux. Tellement il pleurait. Khattani aswadan. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il lisait des versets où il y avait la citation de l'enfer ou la description de l'enfer et des étapes le jour du jugement dernier, il pleurait. Et il tombait malade. Par moments, il tombait malade un mois entier. Il tombait malade un mois entier suite à l'écoute de certains versets. Uthman ibn Affan radiallahu anhu, kana ma yamliku nafsa amama qabrin. Abadan. Uthman ibn Affan radiallahu anhu ne pouvait contenir ses larmes une fois devant une tombe. Une fois devant une tombe, il ne pouvait se contenir. Mawlahu Hani, rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu, dit « Kana Uthman idha waqafa inda qabr, baka hatta yabulla lahyata. » Hani, c'était le servant de Uthman. Il nous dit « Lorsque Uthman se tenait devant une tombe, il ne cessait de pleurer jusqu'à mouiller sa barbe. » Jusqu'à tremper ou mouiller sa barbe. Faqila lah, tadhkuru al-jannata wan-nar wa la tabki. Wa idha dhukira al-qabr tabki buka'aka hadha. Puis on questionnait Uthman. Cette situation était intrigante pour certains. Alors ils lui ont dit, lorsque tu cites le paradis et l'enfer, tu ne pleures pas. Mais lorsque tu cites la tombe, on voit que tu fonds en larmes. Pourquoi cela? Ne vous m'y prenez pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne pleurait pas du tout. Ça veut dire que lorsqu'il y avait une tombe ou lorsqu'il parlait de la tombe, il pleurait plus que lorsqu'il citait le paradis et que lorsqu'il citait l'enfer. Alors Uthman s'est expliqué, radiallahu anhu, et a dit « Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna al-qabra awwal manazil al-akhirah. » Pourquoi cela? Car j'ai entendu un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, certes la tombe est la première étape de l'au-delà. La tombe est la première étape de l'au-delà. فَإِنْ نَجَى مِنْ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِنْ. Et s'il obtient le salut dans sa tombe, alors tout ce qui se passera ensuite lui sera facilité. وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ. Et s'il n'arrive pas à s'en sortir dans sa tombe, alors tout ce qui se passera ensuite ne sera que plus difficile. Et comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma ra'aytu manzaran qat illa wal qabru afdha'u min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne m'a pas été donné de voir une chose effrayante sans que la tombe ne le soit encore plus. Il ne m'a pas été donné de voir une chose effrayante sans que la tombe ne le soit encore plus. C'est pour cela que certains parmi les pieux prédécesseurs, écoutez bien, ils avaient creusé une tombe chez eux. Pas une tombe, mais un trou. Ils avaient creusé un trou. Et lorsqu'ils ressentaient une quelconque dureté dans leur cœur, ils rentraient dans cette tombe. Il rentrait dans ce trou. Na'am. Puis il disait, Rabbi rji'oun, la'alli a'malu salihan, fima tarakt. Thumma yaqoum wa yajtahid, wa yaqoul al-an anta fima kunta tarju. Un des pieux prédécesseurs avait creusé un trou chez lui. Et lorsqu'il ressentait une dureté dans son cœur, ou du laxisme dans l'adoration, il rentrait dans ce trou. Il s'allongeait comme s'il était mort. Et il disait la parole que prononcera ceux qui se sont fait du tort, ou certains de ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes dans la dunya. Ô mon Seigneur, fais-moi revenir. afin que je puisse faire les bonnes actions que j'ai délaissées, c'est-à-dire de mon vivre. Puis il se levait, il sortait de ce trou et il disait, aujourd'hui tu es dans ce que tu aurais espéré. Aujourd'hui tu es dans ce que tu aurais espéré. C'est-à-dire si tu avais été mort, tu aurais espéré ça. Ben aujourd'hui tu es là, vivant. Alors agis. Alors agis. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, كان يقوم الليل. Il se levait souvent la nuit. Et il priait. Et il pleurait jusqu'à mouiller sa barbe. Et il disait, Ahin min qillati zad wa tuli safar. Ahin min qillati zad wa tuli safar. Et il disait, malheur à moi, ou bien, oh combien cette situation est difficile. Il se plaignait. Naam. Puis il disait, j'ai peu de provisions. Et le voyage est long. Que veut dire j'ai peu de provisions? Hein? Des hasanat. Qui est-ce qui dit ça? Hein? Ali ibn Abi Talib. Qui est Ali ibn Abi Talib? Qui est Ali ibn Abi Talib? Dites-moi. Hein? Ibn Ammi Rasuli sallallahu alayhi wa sallam. C'est le cousin du Prophète sallam. Mais encore. Zawju binti Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Afdal al-banat. La meilleure de ses filles, Fatima. Qui est Ali ibn Abi Talib? Hein? Le quatrième calife de l'islam. Qui est Ali ibn Abi Talib? Al-Mubashar bil-Jannah. Celui qui a été promu au paradis. Et j'en passe. Malgré ça, il dit quoi? Qillati az-zad. J'ai pas beaucoup de provisions. Puis il dit, et le voyage est long. De quel voyage est-ce qu'il parle? Hein? Ad-dunya? Al-khuruj min ad-dunya ila al-akhira. Yani le voyage de dunya vers l'au-delà. Le fait de comparaître devant Allah Azza wa Jalla, la tombe, puis le jugement, et ainsi de suite, puis le paradis ou l'enfer. Ali ibn Abi Talib nous dit cela. Hada darsun lana ikhwani. Ça, c'est une leçon pour nous. As-salaf jama'u bayna amrayn. Wa nahnu jama'na bayna diddayn. Abdullah ibn Mubarak nous dit que les salafs ont uni entre deux choses. Husnul amal. Wal-khawf alla yataqabbal Allahu minhum. Ils ont uni entre eux l'excellence dans l'action, dans la mise en pratique des ordres d'Allah, et la crainte qu'Allah n'accepte pas cela d'eux. Donc ils faisaient, puis ils avaient peur qu'Allah n'accepte pas cela d'eux. Et nous, nous avons uni entre deux choses. Le fait de mal agir, puis de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. Puis se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. Quel est le verset? Celui suite auquel Aïcha a dit, Ya Rasulallah, Ahum alladhina yasriqoun wa yaznoun wa. Rappelez-moi le verset suite auquel ou après lequel Aïcha a dit au messager d'Allah, sont-ils les grands pécheurs, ceux qui volent, commettent l'adultère, et telle chose, et telle chose, et telle chose? جزاك الله خيرا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Ceux qui donnent de ce qu'ils donnent, ceux qui dépensent, ils font du bien, ils font des aumônes, mais leurs cœurs sont terrorisés, mais leurs cœurs sont bouleversés à l'idée de revenir vers leur Seigneur, à l'idée de revenir vers leur Seigneur. Aïcha, lorsqu'elle a entendu ce verset, elle a dit, Ya Rasulallah, est-ce que ce sont les gens qui volent? Les gens qui commettent l'adultère? Les gens qui font les grands péchés? Il lui a dit, La ya abnat siddiq. Il lui a dit, Non, ô toi la fille du très véridique. Ah, oula, ces gens-là, ce sont les gens qui font les bonnes actions. Mais ils ont peur qu'Allah ne les accepte pas. Mais ils ont peur qu'Allah ne les accepte pas. C'est comme ça qu'étaient nos pieux prédécesseurs. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu ou plutôt Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, qara'a fi laylatin wa qad qama yata'abbadu lillahi subhanahu wa ta'ala, tala suratu al-mutaffifun. Suratu al-mutaffifun, al-mutaffifun ala al-hikam. فلما بلغ قول الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين le jour où les gens vont comparaître le jour où les gens vont se lever pour comparaître le jour où les gens vont se lever pour comparaître devant le Seigneur des mondes. Fabaka hatta kharra wa amtana'a min al-qira'ah. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu a récité suratul Mutaffifun. Et arrivé où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une parole dont la traduction est « Le jour où ils se lèveront pour comparaître devant le Seigneur des mondes. » Il a tellement pleuré qu'il s'est écroulé. Et il n'a pas pu poursuivre sa lecture. Nafi'a radiallahu rahimahullahu ta'ala nous dit كان إذا قرأ عبد الله ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق نافع رضي رحمه الله تعالى نجي lorsque عبد الله ابن عمر رضي الله عنه récitait la parole d'Allah dont la traduction est le temps n'est-il pas venu que le cœur des croyants s'humilie devant ce qui a été révélé comme vérité. كان يبكي بكاء شديدا ويقول انا يا رب لقد انا يا رب. Abdullah ibn Omar, lorsqu'il lisait ce verset, il disait certes ô mon Seigneur, le temps est venu, ô mon Seigneur, ce temps est venu. وبكى ابو هريره رضي الله عنه في مرض موته. Abu Huraira, radiallahu anhu, lorsqu'il était sur le point de mourir, lorsqu'il était dans sa maladie de mort, il y avait son épouse à son chevet. Il y avait son épouse à ses côtés. Et il pleurait énormément. Alors, elle pleurait. Naam. Alors, elle aussi a pleuré. Tayyib. Par moment, elle pleurait seule et lui était heureux. Et par moment, il pleurait et cela la faisait pleurer. Pourquoi est-ce qu'il était heureux? Naam. Elle a pleuré. Il lui a dit ne pleure pas. Et il disait wa farhata. Oh combien je suis heureux. Radan alqa Muhammada wa hizbahu. Car demain je vais rencontrer Muhammad et nos amis. Il était content Pourquoi? Car il allait retrouver ses bien-aimés. Il n'aimait pas la dunya Abu Huraira radiallahu anhu. À d'autres moments, il pleurait énormément. Et c'est ce qui nous importe plus ici. Lamma baka qala qila lahu ma yubkik. Il lui a été dit, pourquoi est-ce que tu pleures autant? Qala amma inni la abki ala dunyakum hadi. Il leur a dit, sachez par Allah que je ne pleure pas pour votre bas monde, parce que je me sépare de votre bas monde. C'est-à-dire, je n'accorde aucune importance à ce bas monde. Lakin abki ala bu'di safari wa qillati zadi wa inni amsaytu fi su'udin ala jannatin aw nar. Abu Huraira radiallahu anhu leur a dit ensuite, mais je pleure car le voyage est très long. Le voyage sera très long et j'ai peu de provisions. Et je me couche et je sais que je vais partir, mais je ne sais pas où. Soit ma destination sera le paradis, soit elle sera l'enfer. Et je ne sais pas qui est-ce qui va me prendre. Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr, radiallahu anhu, est le plus grand rapporteur de hadith de l'islam. Il restait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était affamé, il avait faim, il était pauvre au point de ne pas trouver à manger. Au point de tomber par terre et par moments on mettait son pied sur lui, on lui faisait ruqya en pensant qu'il était attaqué. Il disait non, ça n'est pas ce que vous croyez, mais c'est la faim. Il avait énormément faim, il n'avait rien à Abu Huraira. Mais c'est le plus grand rapporteur de hadith. Et regardez son état. Il avait peur et il pleurait. Il pleurait par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tamim ad-Dari رضي الله عنه قرأ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Cette personne a récité le verset dont la traduction est: ceux qui commettent de mauvaises actions, pensent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et font les bonnes œuvres, dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal. Il a récité ce verset. Puis il s'est mis à pleurer. Hudhayfa, radiallahu anhu, il pleurait énormément. Faqila lah, ala ma al-buka, pourquoi est-ce que tu pleures toujours autant? Faqala la adri ala ma aqdum, a'ala sakhatillah am ridha. Hudhayfa pleurait. Et on lui disait, pourquoi est-ce que tu pleures autant? Il disait, car je ne sais pas ce vers quoi je m'avance. Est-ce que je m'avance vers l'agrément d'Allah ou est-ce que je m'avance vers sa colère? Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu marra bi Haddad. Ou bi Haddadid. Abu Huraira, Abdullah ibn Mas'ud est passé près de forgerons, de ceux qui travaillent le fer. Wa qad kharaju hidadan min an-nar. Alors qu'ils avaient sorti du fer, na'am, du fourneau, ou je ne sais comment appeler la chose. Et il a vu les parties rouges, na'am, du fer. Quelle fut sa réaction, radiallahu anhu? Celui qui nous rapporte cela nous dit, qama yanzuru ila al-hadith. Il s'est tenu immobile et il regardait le fer. Na'am. Et il regardait le fer fondre dans le feu. Thumma baka. Puis il s'est mis à pleurer. C'est ça le lien qu'ils avaient entre la dunya et l'au-delà. Dès qu'ils voyaient une chose fit dunya, ça leur rappelait quoi? Ça leur rappelait l'au-delà. Est-ce que cette chose était propre aux hommes de la communauté? Non. Elle touchait également les femmes. Aisha radiallahu anha était questionnée par Masruq, rahimahullah. Ou plutôt, Masruq radiallahu rahimahullah nous dit, qara'at Aisha radiallahu anha qawla Allah, famanna Allah alayna wa waqana azab as-samum. Dans sourate At-Tur, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une parole qui nous montre comment les bienheureux vont remercier Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il les a préservés du feu de l'enfer et les a comblés. Elle a récité ce verset, pour la traduction revenez au verset 27 de Surat al-Tur, Fabakat. Elle a pleuré. Puis, elle a dit, Munna wa qini azab an-nar. Munna, ou Allah, donne-nous tes faveurs et préserve-nous du feu, ou préserve-nous du châtiment de As-Samu. Abdullah ibn Rawaha était allongé sur son épouse. Il avait sa tête dans son giron, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aisha radiallahu anha et ses épouses. Fabaka, il s'est mis à pleurer. Il était sur elle et il s'est mis à pleurer. Il n'a cessé de pleurer jusqu'à ce qu'il fît pleurer son épouse. Elle a pleuré. Naam. Elle a pleuré par rahma pour lui. Faqala laha ma yubkik. Alors il lui a dit à elle, pourquoi tu pleures toi? Qalat abki li bukaik. Elle lui a dit, je pleure parce que tu pleures. Naam. Elle lui a dit, mais moi je pleure parce que toi tu pleures. Faqala. Lui il lui a dit, en ce qui me concerne, abki li anni tadhakkartu qawl Allah. Il lui a dit, quant à moi, je pleure car je me suis rappelé la parole d'Allah Azza wa Jal. Wa in minkum illa wariduha. Et il n'y en a pas un qui y échappera. Ou bien il n'y en a pas un sans qu'il n'y passera. Naam, les savants ont divergé quant à l'exégèse de ce verset. Certains disent que c'est Sirat, d'autres disent que c'est le feu. Wallahu a'lam. Le verset 77 de Sourate Maryam, vous reviendrez au tafasir. Puis, il a dit, donc il cite l'enfer, ou bien il cite la traversée du Sirat. C'est ce qui l'a fait pleurer. Puis il dit, Fala adri, a anju minhu amla. Puis il a dit, et je ne sais pas, est-ce que je vais m'en sortir ou pas? Il y a la traversée du Sirat, est-ce que je vais réussir à m'en sortir ou non? Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, a reçu la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une nouvelle qui est meilleure que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Quelle est cette nouvelle, cher? Ja'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa hada hadith Anas, anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, wa in aradta al-yaqin fa huwa 'inda al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابن كعب إن الله أمرني أن أقرأك القرآن. Le prophète صلى الله عليه وسلم est venu voir Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b est un des savants du Coran. Il lui a dit, ô Ubay, Allah m'a ordonné de te réciter le Coran, de te lire le Coran. Naam. Ou de t'enseigner du Coran. فقال أبي رضي الله عنه الله سماني. Il a dit, Allah m'a nommé. Allah a dit mon nom. Allah t'a dit mon nom. Allah t'a cité. Allah m'a cité auprès de toi. قال نعم. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit oui. قال وقد ذكرت عند ربي. وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ubay ibn Ka'b lui a dit, moi, j'ai été mentionné par le Seigneur de l'univers. قَالَ نَعَمْ فَذَرَفَتْ عَيْنَهُ. Le prophète sallam lui a dit, oui, le Seigneur de l'univers t'a mentionné. Alors, il a fondu en larmes. رواه البخاري ومسلم. Allah subhanahu wa ta'ala te cite. Il fait tes éloges. Il parle de toi. هذه مكرمة ما بعدها مكرمة. Ça c'est un honneur après lequel il n'y en a plus. والله المستعان. Et les histoires sont nombreuses. Je ne sais plus. نعم. Laquelle citer? Vais-je vous citer la parole de Abdullah ibn Omar? لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بكذا وكذا. Abdullah ibn Omar dit, de pleurer par crainte d'Allah mais préférable à donner en aumône 1000 dinars, 1000 pièces d'or. وخوفا أن أطيل عليكم. يعني j'ai de nombreux athars et j'avais apprêté ce livre afin de vous lire quelques athars, mais de peur que ce soit trop lourd pour vous, bien on prend un grand plaisir à être dans ces instants avec les paroles de nos pieux prédécesseurs. Je vais m'arrêter ici après remercier, après avoir commencé par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, je finis sur la même chose. Falhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wa astaghfirullah wa atubu ilayh. As'alullah tabaraka wa ta'ala wa huwa arhamur rahimin an yaghfira lana jami'an. Allahumma aghfir lana dhunubana, Allahumma aghfir lana dhunubana, Allahumma aghfir lana dhunubana wa tub alayna innaka anta arhamur rahimin. اللهم اغفر لأمي, اللهم اغفر لأمي, اللهم اغفر لأمي, اللهم اغفر لنا ولوالدينا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعذنا من النار, اللهم أعذنا من النار, اللهم أعذنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة, اللهم إنا نسألك الجنة, اللهم إنا نسألك الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك الله والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات. Pour conclure, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, je remercie mes chers frères en Allah subhanahu wa ta'ala qui se sont fatigués afin d'assister aux différentes conférences et modestes conférences. Et si il y a eu du bien et que les gens ont pu tirer profit de ces quelques instants qu'on a pu passer ensemble, c'est uniquement grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. فَلِلَّهِ الْحَمْدِ أَوَّلًا وَآخِرًا. Donc toute la louange et toutes les éloges proviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si il y a eu des imperfections dans ces journées de séminaire, et s'il y a eu des fautes commises, alors c'est de ma faute et du shaytan. وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. Et je vous demande de m'excuser pour les manquements qu'il y a pu y avoir et mes imperfections. Et ماذا s'il y a eu ماذا une gêne occasionnée. Aussi je remercie les différents responsables des mosquées, tout comme je remercie le responsable de cette mosquée pour son accueil, Jazakallahu khayran, et pour m'avoir accordé ماذا cette occasion de me rappeler avec mes chers frères en Allah subhanahu wa ta'ala ماذا ce sujet. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khayran.